Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Le Monde, vu par Raymond Depardon. Beaucoup d'autres photographes qui sont partis en même temps que moi, soit ils sont morts, soit ils se sont arrêtés en route. Et moi, j'ai continué à garder, à faire des images, parce que c'est ça ma vie. Raymond Depardon à l'émission Libre Parcours en 1986. Toute sa vie, Raymond Depardon va en effet continuer à faire des images. Et quelles images! Au-delà de leur beauté, les photos et les films de Depardon expriment d'abord et avant tout une manière de voir le monde. Et que l'on soit au Tchad ou dans la France d'en bas, le regard de Depardon reste toujours le même, un regard rempli d'humanité. Voilà une. Ça fait maintenant 25 ans que nous fabriquons des films ensemble. Raymond à l'image et moi au son. Raymond m'a toujours raconté son rêve de faire un film avec des chutes inédites qu'il garde précieusement dans la cave. Ses premiers pas à la caméra, ses premiers reportages, des out-montages, des bribes de sa mémoire. Comme Raymond trouvait que je traînais un peu pour démarrer la production, sans prévenir, il est parti photographier la France tout seul dans un camion fourgonné en disant qu'il avait besoin de silence après toutes ces années à écouter les autres. Depuis 4 ans, dès qu'il a un moment, il roule du nord au sud selon son inspiration. Il s'arrête n'importe où et attend la bonne lumière. Il photographie des cafés, des maisons, des ronds-points, la France des sous-préfectures, celle qu'il a connue dans son enfance à la ferme du Garret, près de Villefranche-sur-Saône. Extrait du film Journal de France, sorte de documentaire biographique réalisé en 2011 par Raymond Depardon. C'est sa compagne, Claudine Nougaret, que vous entendiez dans cet extrait, pour nous présenter l'impressionnant parcours, l'œuvre également tout aussi impressionnante de Raymond Depardon. Je reçois la critique de cinéma Hélène Faradji, qui est aussi édimestre pour la section cinéma du site radiocanada.ca. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Parler de Raymond Depardon, Hélène Faradji, le photographe, mais aussi le documentariste au cinéma, c'est d'abord parler d'une manière de voir le monde. Comment décrire cette manière Depardon? Je pense que cette manière-là, elle est le fruit d'un mélange de plusieurs choses qui sont propres à Depardon. D'abord, l'acuité du regard de photojournaliste, qui est sa formation première, vraiment très précis. On a toujours des plans extrêmement révélateurs sur ce dont il veut parler. Il y a l'humilité aussi qui lui vient probablement de ses origines rurales et qui fait en sorte que dans ses films, on sent toujours cette volonté de laisser parler le sujet, de ne jamais se mettre lui-même de l'avant. Donc pas de voix off explicative, pas d'intervention de sa part, une grande, grande humilité. Il y a aussi évidemment le souci d'être le témoin de ce qui se passe dans le monde, de témoigner des choses que les autres peut-être ne montrent pas. Et puis il y a toujours aussi dans ses films une part d'autobiographie. Il se raconte à travers ses films, à travers ses expositions de photos aussi. Quand, par exemple, il publie à un moment donné un recueil qui s'appelle Notes, dans lequel on a des photographies et des textes, les photographies peuvent sembler anonymes d'une certaine façon, mais les textes sont toujours écrits au jeu. Ouais. Donc il va toujours se raconter comme ça aussi à travers ses images. Et puis ce qui est impressionnant quand on parcourt la carrière de Depardon, c'est de voir l'étendue géographique de cette carrière. Il est parfois au Tchad, il est parfois, je le disais au tout début de l'émission, dans ce qu'on appelle la France d'en bas, cette France paysanne à laquelle il est revenu à partir des années 2000. Le lien entre tout ça, qu'est-ce qui le fait courir, Raymond Depardon? C'est évidemment, si on pouvait lui parler puis en savoir plus, on aimerait savoir parce que, en effet, il est allé partout sur la planète, des endroits les plus incongrus aux endroits les plus événementiels. Je pense qu'il y a l'influence de l'ethnologie. C'est un grand admirateur de Jean Rouch, Raymond Depardon, qui a toujours eu envie, comme ça, d'utiliser le documentaire pour témoigner du monde dans tous ses aspects les plus variés. Il veut aussi, je pense, montrer les souffrances quotidiennes, les choses qui ne sont pas nécessairement vraiment mise de l'avant par les grands médias. Donc une volonté de se rapprocher de l'homme, l'homme du peuple, de ses souffrances, de ses réalités. Et puis surtout, il y a cette idée qui traverse son œuvre, qui est celle de capter ce qu'il a appelé les moments faibles, par opposition au temps fort, évidemment. Donc ces moments, c'est très joli, ces moments anodins, ces moments qui n'ont l'air de rien et pourtant qui sont incroyablement révélateurs de la condition humaine. Alors, on le connaît plus récemment, en tout cas surtout par ses documentaires, mais avant d'être cinéaste, vous le disiez, c'est d'abord et avant tout dans sa formation un photographe, Raymond Depardon. Parlons un petit peu des premières années, le Depardon d'avant le cinéma. À quoi ressemblent les débuts de Raymond Depardon? En fait, Raymond Depardon naît sur une ferme en 1948, donc il se prépare à une vie d'agriculteur et on ne sait pas trop pourquoi, mais il se passionne pour la photographie tout jeune. Et c'est son frère qui va lui offrir son premier appareil photo. Il a à peine 12 ans et il va commencer à photographier la ferme familiale. Il va même transformer la grange en laboratoire. Il va s'inscrire à des cours par correspondance. Il va devenir apprenti dans une boutique. Donc une vraie passion très, très jeune. Et en 1958, il décide d'aller à Paris. Il devient l'assistant du photographe Louis Foucherand. Et très, très rapidement, il va se faire repérer. En 1960, il rejoint l'agence d'Almas, qui est à l'époque une des grandes agences de photographie. Et c'est là qu'il fait ses premiers grands photoreportages. Donc, il va en Algérie et il va surtout au Sahara. Ouais. Il va faire un reportage qui s'appelle SOS Sahara, où il va retrouver trois jeunes militaires qui s'étaient perdus. Et ce reportage-là va faire la une de Paris Match. Donc ça va faire de lui immédiatement un des grands photographes de sa génération, ce qui va lui permettre quelques années plus tard de fonder sa propre agence, Gamma, qui va devenir la première agence en fait, de photographes indépendants. Ouais. Donc l'idée, c'est de réunir des photographes indépendants. Et là, ça va un peu scinder entre les reportages de guerre ou dans des pays plus difficiles, comme il avait fait avant, mais aussi des photographies de stars. Il va commencer à se rapprocher un petit peu comme ça d'un monde plus glamour. Donc, ça le grise, ça. À une certaine époque de sa vie, l'envie de ça. Oui, tout à fait. Ouais. Dans les années, fin des années 60, donc les photos de Bardot, de Marlon Brando, il va en faire plusieurs, mais tout en continuant à aller au Chili, en Afghanistan, au Tchad, etc. En 1979, il change, il rejoint Magnum, une autre agence très, très prestigieuse. Pour finir, il n'a jamais arrêté la photographie, en fait, même quand il a fait des films. Et en 91, il a gagné le Grand Prix national de la photographie en France. Alors, venons-en au film, comme tel, à sa carrière au cinéma. Premier court-métrage en 1969. Comment il glisse de la photo vers le cinéma? En fait, le premier court-métrage, c'est encore dans le cadre de son travail de journaliste, puisqu'il le fait pour l'agence Gamma. C'est un court-métrage qui s'appelle Yann Palache, dans lequel il va filmer la cérémonie tenue en la mémoire de ce jeune homme qui s'était immolé pour protester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie. Donc on est vraiment dans la continuité du travail de photojournaliste. Il n'est pas tout à fait documentariste encore, mais on voit déjà dans ce court-métrage les germes de ce qui va devenir son travail documentaire. Donc l'influence du cinéma direct, pas d'intervention du réalisateur. Il réalise aussi en faisant ce court-métrage-là qu'il préfère le cinéma. Ah bon? Et il préfère le cinéma parce qu'il a l'impression d'être moins timide quand il a une caméra dans les mains qu'un appareil photo. Il va dire que c'est très douloureux la photographie parce qu'il faut voler leur image aux gens. Alors que quand il filme, il a l'impression de capter quelque chose de moins illicite peut-être. Ouais. Et puis en 1974, il tourne son premier long métrage, un film qui s'appelle Une partie de campagne, un film sur la campagne de Valéry Giscard d'Estaing aux élections présidentielles françaises. Mais la particularité de ce film-là, c'est qu'il est tourné en 1974, mais qu'il ne sera vu qu'en 2002. Merci. Merci. L'important, c'est que le film existe et puisse être vu. Qui est vu par les téléspectateurs, mais aussi est vu maintenant par les spectateurs, puisque le film existe en salle. Parce que ce film est resté quand même 27, presque 28 ans bloqué. J'avais très peur, moi, qu'il ne puisse jamais être vu. La chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai continué, ce qui n'a pas été facile pour moi. J'ai continué ayant ce film, ce premier film, ne pouvant pas le montrer. J'ai été obligé de recommencer un peu. C'est un petit peu comme si on écrit un premier roman et puis il n'existe pas, quoi. On est obligé de repartir à faire un deuxième premier roman. Et ça, c'est dur. Parce qu'on est obligé de recommencer à zéro. À l'époque, vous essayez d'asseoir votre carrière, enfin d'asseoir votre... Oui, parce que je voulais votre continuer. Votre envie, pas, j'allais voilà, dire votre carrière. Voilà, je voulais continuer. Oui. Voilà, je voulais continuer. J'avais envie, j'y croyais à ce cinéma-là. C'est bien, parce que jusque-là, il n'y en avait pas eu tellement. Ouais, je sais pas mal qu'il y en ait un peu. Bon, on va laisser la contestation. Oui. À mon côté, je souhaite. À Montpellier, il n'y avait pas de contestation. Ici, vous savez, il y a de l'exubérance dans tous les sens. Mais là, c'est même pas la contestation. Ça se limite à ça, au niveau de... Raymond Depardon à l'émission « Des mots de minuit » en février 2002. Ça, c'est assez incroyable, cette histoire-là, Hélène Faradji. Ouais. Le film est tourné en 1974, distribué en 2002 ouais. seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, c'est le plus jeune candidat à l'élection présidentielle française. Il se voit comme un conquérant, un peu à l'américaine. Il a vu ce film Primary, réalisé par Robert Drew, sur la campagne américaine qui avait mené JFK au pouvoir. Et il veut la même chose. Donc, il commande un film à ce jeune photoreporter qui est à la mode à ce moment-là, Raymond Depardon. Et Depardon, plutôt que de respecter la commande, va plutôt faire son film à lui. Et il va faire, justement, il va utiliser ou imposer sa, ce qui va devenir plus tard sa marque de fabrique. Donc cette façon de filmer constamment les à côté, les temps morts, ouais. les fameux moments faibles, dont un en particulier où on voit Valéry Giscard d'Estaing piquer une crise de colère. Ce qui ne correspond pas à l'image, évidemment, que le candidat veut se donner. Et donc Valéry Giscard d'Estaing, voyant le film, décide d'en interdire la diffusion. Il a les droits, il a payé. Exactement, c'est ouais. une commande. C'est ouais. à lui, donc ça lui appartient. Et personne ne pourra voir ce film avant 2002. Une année après ce film-là, une partie de campagne, en 1975, Raymond Depardon réalise vraiment ce qui sera un coup de maître. Mm-hmm. En reportage au Tchad, il va ramener avec lui une entrevue de Françoise Clostre. C'est une ethnologue française qui, à ce moment-là, est prise en otage l'année précédente par un groupe de rebelles menée par Hissène Habré. J'ai eu des conditions excessivement pénibles au début, dans les rochers. J'ai passé 3 mois sous 2 petits palmiers. Et ensuite, mes conditions ont été améliorées. Ça m'a beaucoup aidé, j'avoue. Sinon, quand j'ai un peu de lecture, je lis. Quand j'ai une radio qui marche, j'écoute un peu la radio. Et sinon, je pense à tous ceux qui m'abandonnent. Ils sont nombreux. Cette interview était beaucoup plus dramatique que je l'ai ressentie comme ça. Vous voyez, on avait marché pendant 9 jours un chameau dans un endroit totalement désert. Avant de la trouver. Et d'ailleurs, je ne savais pas, parce qu'il faut dire que j'ai mis 6 mois à faire cette interview. 6 mois à vivre avec eux. 6 mois pour 1 heure. 6 mois pour la rencontrer 1 heure. Et derrière, il y a des révolutionnaires qui parlent très bien le français. Il y a une cassette, un magnétophone qui enregistre pour eux. Et nous étions 3 et nous étions complètement effondrés. Elle voudrait que je retourne l'année prochaine, mais... Vous savez, j'ai eu tellement de difficultés pour revenir, pour montrer, pour développer ce film. Il a fallu que je traverse cette frontière clandestinement, en pleine chaleur. C'est absolument maintenant inaccessible, cet endroit. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis journaliste, je suis photographe, j'ai fait un film, je veux le montrer. Je vais essayer que le gouvernement français fasse quelque chose, s'il est encore possible de faire quelque chose. Et ça va marcher, le gouvernement français va faire quelque chose. Hélène Faradji, Raymond Depardon, on l'entendait dans cet extrait à l'émission Appelez-moi Lise en juillet 76 et juste avant, un extrait de cette fameuse entrevue que mène Depardon avec l'otage française Françoise Clostre au Tchad en 1975. Donc, cette entrevue-là, mm-hmm. c'est pour lui un coup de maître, mais plus que ça, ça aura un impact, c'est un coup de tonnerre dans le ciel français. Ah oui, absolument, parce que le fameux reportage qu'il pourra tiré de cette entrevue, va être diffusé au journal télévisé un reportage de 14 minutes, ce qui est immense pour la télévision française, pour un journal télévisé ouais. en plus. Ça va aider à la libération de Françoise Clostre. En fait, en 1977, le gouvernement français va accepter de payer la rançon. Et quand on lit un peu sur cette histoire, on se rend compte que la diffusion de ce reportage a tellement ému le peuple français que ça a fait pression pour que les négociations finissent par aboutir. Mais au départ, l'intérêt de Depardon pour cette affaire, il est, c'est pas qu'il est moindre, mais son intérêt premier, c'est l'Afrique. Ouais. Il aime l'Afrique. Dès le début, il va au Sahara. Et dans le cadre de ses voyages là-bas, il va commencer à s'intéresser au Tchad. Et dès 1970, il va faire un premier film sur les révolutionnaires tchadiens. Il va en faire trois en tout. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va finir par réussir à amadouer les révolutionnaires, en tout cas la troupe de Hissène Habré, qui retiennent Françoise Claustre ouais. prisonnière. Et qu'il va pouvoir réussir à l'interviewer. Et d'ailleurs, il fera des photos magnifiques. Ah oui. Parmi ses plus belles photos sont celles qu'il va faire au Tchad. 1981, il réalise le film Reporter. Ça lui mm-hmm. vaut le César, un premier César du meilleur documentaire. C'est intéressant ce film-là parce que, bon, il a un César, mais plus que ça, ça nous dit beaucoup sur le cinéma de Depardon. Ah oui, absolument. Puis pas juste le César, il va rester 7 mois à l'affiche à Paris. C'est énorme. C'est vraiment peut-être un de ses plus grands succès, ce film-là. Reporter. Ce qu'il y montre, c'est le quotidien de ses collègues, c'est-à-dire les photoreporters de l'agence Gamma, à laquelle il appartient encore à ce moment-là. Donc, on est entre la couverture d'actualité et les choses un petit peu plus spectacle, un petit peu plus glamour. Donc, on va par exemple les voir en train d'interviewer Jacques Chirac, qui est alors candidat à la présidentielle, mais aussi la première d'un film de Godard à la Cinémathèque française. Ouais. Donc, on va vraiment voir comment travaillent les photoreporters. Et c'est vraiment un des films où Depardon installe son style, sa manière de faire, c'est-à-dire avoir le moins d'influence possible sur le sujet qu'il filme. Donc, il est tout seul avec sa caméra. Le micro est directement mis sur la caméra. Il n'y a pas de preneur de son avec lui. Il va faire énormément de plans-séquences aussi pour laisser le réel parler de la façon la plus authentique possible. Un commentateur, un des théoriciens du cinéma français qui s'appelle Alain Bergala, a une très belle expression pour décrire la manière de Depardon. Il dit « il réussit à être absent ». Et c'est effectivement ça. C'est comme s'il s'effaçait pour laisser le réel parler. Et c'est sa méthode, en fait. Les films qu'il fera par la suite seront chacun, à leur manière, de nouvelles incursions dans de nouveaux univers. Et il aura un deuxième César pour le meilleur film documentaire en 1994 avec le film Délit flagrant. Et cette fois-là, en fait, il nous plonge dans l'univers du palais de justice de Paris. Oui, tout à fait. Il va rencontrer 14 personnes qui ont été prévenues, donc qui ont été pris en flagrant délit et qu'ensuite on amène discuter avec le substitut du procureur ou leurs avocats. Et il va réussir à filmer ces moments-là, ces discussions-là. Le film fait en fait partie d'une trilogie avec Faits divers et Dixième chambre, instant d'audience, qui est sa trilogie judiciaire, on pourrait appeler, et qui est à mon sens peut-être la plus impressionnante dans le travail de Depardon parce que c'est la plus simple, la caméra reste immobile, le réel parle vraiment tout seul. Et en même temps, c'est aussi la trilogie la plus éloquente parce que on voit à travers un microcosme, que ce soit un commissariat, un tribunal, comment fonctionne un système, ouais. comment un mot, une attitude, une seconde peut faire basculer tout un destin et comment la part d'humain finalement est beaucoup plus importante qu'on l'imagine dans un système qui est celui de la justice et qui est censé être extrêmement réglementé, extrêmement rigide. Donc, ce qu'il va nous montrer, c'est vraiment la part d'humain dans ces systèmes-là. Et toujours, donc, cette recherche de l'humain dans certains milieux clos, parfois. Il fera aussi un film dans le milieu de la psychiatrie, oui. dans un hôpital psychiatrique, Urgence, en 87. Et puis, vers la dernière partie de sa vie, au fond, c'est le retour aux sources. Cette fois-là, c'est à la terre paysanne oui. qu'il s'attaque. Tu te souviens, la dernière fois que je t'ai filmé, là, dans la grange? Oui, oui, je me souviens très bien. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Beaucoup de choses ont changé depuis. C'est vrai qu'il y a un petit peu un conflit de génération, quoi. Voilà. Il n'y a que ça, le seul truc qui cloche, ce serait ça. Conflit de génération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes n'acceptent pas l'autorité. Je ne parle pas d'autorité, mais je parle de les méthodes que nous employons dans le temps. Ils n'acceptent pas le temps. Et vous dites, je suis allée rencontrer des gens qui vivent au bout des routes. Ici, on pourrait dire au bout du chemin. C'est ces gens-là que vous êtes allée voir. Oui, et surtout ceux d'ordinaire qu'on filme très peu. En français, je dis taiseux. Ça veut dire des gens qui parlent pas beaucoup, quoi. C'est sûr que c'est la fin d'un monde. Mais à la fois, quelque part, je dirais qu'ils nous enseignent quelque chose aujourd'hui dans cette période de crise. C'est de ne pas gâcher cette planète qui, voilà, la Terre, hein, voilà. Donc il y a une écologie quelquefois de force, enfin de naturel. Ils n'utilisent pas ce mot. Aussi, ils nous disent quelque chose par rapport à notre terre natale. Quoi qu'il arrive, nous sommes de quelque part. Voilà. Et je pense que d'être quelque part aujourd'hui, ça a son importance, puisque, au fond, les racines, on les garde toute sa vie. Et je pense que très longtemps, moi, j'ai eu honte de ces racines, et je dirais qu'aujourd'hui, j'en ai plus honte, bien au contraire, je les revendique. Qu'est-ce que tu veux faire, mon grand ? Le métier de mon père. Le métier de ton père ? Oui. Ça n'existera plus. Raymond Depardon, parlant à Hélène Raymond de son film La vie moderne dans l'émission La semaine verte en 2009. Dans les années 2000, Raymond Depardon, Hélène Faradji, il fait ce retour à la terre, ce retour aux racines, ses racines. Parlez-moi, il y aura plus tard son film Journal de France, espèce de film biographique en 2011. Parlez-moi de ce Depardon des dernières années. Quelle mission se donne-t-il quand il se met à sillonner ou à resillonner la France profonde? Ouais, effectivement, au cours des années 2000, il va faire ses profils paysans, donc trois films vraiment sur des agriculteurs. Il sillonne la France rurale à la rencontre d'agriculteurs et c'est probablement ses films les plus émouvants parce que oui, il filme ses propres racines. C'est un hommage à ses parents, à son enfance, à cette ferme qu'il a connue et dans laquelle il a grandi. Mais une certaine France qui n'existe plus. N'existe plus, effectivement, parce qu'il essaye de filmer la transmission. Donc comment ces agriculteurs d'un certain âge arrivent ou souvent n'arrivent pas à transmettre ce goût de la terre, ce goût de l'agriculture à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Alors parfois ça se passe et c'est très beau, mais parfois ça achoppe et on sent que la tradition va se perdre. Donc oui, il y a un retour aux sources qui n'est pas amer, mais qui est assez lucide sur la façon dont ce métier-là d'agriculteur va survivre au fil des années. Et puis effectivement, après, il y aura Journal de France, qui est encore une fois un voyage à travers la France, où cette fois-ci, il se raconte un petit peu plus de pardon. Il va mêler à ce voyage-là, à ces rencontres-là, des archives personnelles. Il va raconter tout son parcours sous les yeux de sa compagne, Claudine Nougaret. Et là encore, on va voir ce mélange d'attention aux politiques, aux sociales, mais aussi d'intimité, cette façon de se raconter avec toujours cette humilité, cette patience. Il y a des scènes magnifiques dans Journal de France où on le voit installer son appareil photo et attendre que la lumière soit la bonne pour prendre une photo des vieilles personnes dans des petits villages perdus de France. Merci de nous avoir si bien parlé de ce grand, grand monsieur. Hélène Faradji, critique de cinéma et dimestre à Radio-Canada. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.